Tiens, et si je fondais une nouvelle religion? On n'a pas le droit de manger du mouton. Les filles doivent se percer les tétons. Et si tu t'y plies pas, tu t'attras du bâton. Dans ma religion à moi, soit tu suis, soit tu crèves et tu marches au pas. Je veux pas l'hérétique, je veux pas l'hypocrite. C'est le genre de choses qui me rend hystérique. Au bûcher et tout ce qui blasphème. La religion, si tu l'adoptes, c'est parce que tu l'aimes. Pas l'hérésie, pas l'illusion. Je risque pas de voir une apparition. Moi, dans ma religion, on n'a pas le droit de manger du mouton. Les filles doivent se percer les tétons. Et si tu t'y plies pas, tu t'attras du bâton. Dans ma religion à moi, c'est à la vie, à la mort, je veux pas d'engrain. Je veux pas l'hérétique, je veux pas l'hypocrite. J'en ai rien à foutre, je veux pas de vos critiques. Mon bûcher et tout ce qui blasphème. Ma religion, si tu l'adoptes, c'est parce que tu l'aimes. Tolérance zéro envers les intolérants. On n'est pas sur terre pour se taper sur la gueule bon sang. Moi, dans ma religion, on n'a pas le droit de manger du mouton. Les filles doivent se percer les tétons. Et si tu t'y plies pas, tu t'attras du bâton. Moi, dans ma religion, on n'a pas le droit de manger du mouton. Les filles doivent se percer les tétons. Et si tu t'y plies pas, tu t'attras du bâton.